tous, aujourd'hui Marie-Chloé et moi-même, on reçoit Julien, Trine et Lise pour nous parler du week-end culturel original à absolument faire sur l'île et ses environs. Et exceptionnellement, nous aussi on participe à la chronique car on avait des idées trop super. À toi Julien. Merci les filles, et oui chers auditeurs, on vous a concocté un petit programme super sympa avec l'équipe. Les sorties insolites sur l'île vont être au goût du jour. Et pour ça, on va parler statues à poil, bouffe, promenade, projection sur toile ou encore grosse basse. La ville de l'île reste au top niveau culture. Bref, voilà notre track des bons plans. Et pour commencer, celui qu'on attend depuis lundi 8h30, c'est ce bon vieux week-end. Celui qui se fait toujours trop attendre. Donc aussitôt vendredi soir arrivé, l'apéro est bien évidemment déclaré. L'automne est arrivé, et s'il fait pas trop son rabat-joie, je vous traîne vers l'imaginaire, situé au 5 Place Louise Bettini, sûrement la plus belle terrasse lilloise. Imaginez-vous, et pour le coup c'est le cas de le dire, un bastio élégant proposant un contre-plongée sur la parc de la cathédrale. Les arbres de ce parc grand et majestueux viennent voûter l'atmosphère loin de tout chahut. C'est un sentiment de sérénité qui va s'en dégager. La hauteur de la cathédrale en arrière-plan, rappelant le dur labeur des grands bâtisseurs d'autrefois, offre une véritable bouffée d'oxygène. On peut dire que c'est un cadre idyllique qui laisse place à l'évasion, le temps d'un verre, et on l'acceptera par la simple volonté d'échapper à un centre-ville tumultueux en redescendre d'une semaine éprouvante. Un petit conseil. Attention à la marche donnant à l'accès du patio, fourbe comme il n'est pas permis, il y aura toujours une occasion d'entendre le cri d'une personne qui a bien failli se croûter en public. Perso, je suis plus bévitré en pleine gueule, chacun son truc. Et si jamais il drage comme vache qui pisse, eh bien pas de panique. Le bistrot n'est pas très loin, aux 10 rues du Pont Neuf. Et là, changement de décor. Murs gris anthracite, bois brut, mobilier industriel vintage, lumière tamisée et pression à disposition. En mode copain d'avant et ambiance after work, c'est un mixte de genre et de matière qui va matcher. Pour le plus grand plaisir de se retrouver dans un lieu stylé à la hauteur du vieux Lille. Mais si je reviens en arrière sur ce que je t'ai dit, je t'ai parlé de pression à disposition. Bah ouais, à disposition, c'est toi qui vas faire ta mousse. Le principe est simple, avec l'aide d'une carte qui crédite ta conso, tu te sers comme à la maison. Blonde, brune, triple, blanche ou encore ambrée, c'est tout un large choix de bière qui viendra faire des heureux. C'est ce que j'appellerais la touche bistro. Amateur des bières du Nord, c'est une adresse à ne pas filtrer dans votre week-end. Mais attention, on se prête facilement au jeu des pressions à disposition, et à la fin, on peut vite finir banqueroute. Avec tout ça, si jamais tu titubes pas déjà et que le ventre crie toujours famine après la planche de charcutes que tu t'es enfilée, il suffira de se laisser aller au gré des gourmets qui sont proposés. La carte est de saison et le vin est bon. Les aubergines grillées sont exquises et les quiches affreusement bonnes. Même le burger fièrement dressé au milieu de ces frites maison feront chavirer les papilles. Enfin, et je dis bien enfin, si jamais tu n'as pas recraqué par l'envie de reprendre un verre, chose que je pourrais comprendre, je t'invite à reprendre la route après une délicieuse soirée. Le vieux Lille qui a laissé ses rues pittoresques à ses derniers fêtards t'offre de quoi prendre l'air dans un décor typique des Flandres en te laissant visualiser les prochaines étapes de ton week-end qui s'annonce très chargé. Mais maintenant, tu titubes et tu te dis que ce soir, tu vas bien dormir. Car comme dirait l'autre, dormir bien, dormir plein. Eh bien, avec les belles recommandations de Julien, je pense que notre cher auditeur pourrait avoir une sacrée gueule de bois en se réveillant ce samedi. Alors rendez-vous au restaurant Les Trois Bandits de Napoli, près de la Grand Place, dans une petite rue entre la rue Escarmoise et la place de l'Orchestre National de Lille. Comme ça, tu ne te prends pas la tête à te faire à manger, et puis surtout, tu pourras savourer l'une des meilleures pizzas de Lille. Elle est toute simple, mais tellement bonne et originale. Fromage fondu, petits légumes, vinaigre balsamique sur le dessus, mais surtout une base pesto à tomber par terre. Tu es donc prêt à commander la pizza végétarienne. Après avoir beaucoup trop mangé, c'est l'heure de la promenade digestive dans le vieux Lille. Vous allez tomber sous le charme de ces petites ruelles pavées. Bon, par contre, les gars et les filles, je vous déconseille les talons aiguilles, ça serait dommage de se casser une jambe alors que vous n'êtes qu'à la moitié de votre super week-end lillois. Le vieux Lille, c'est vraiment la partie de l'île que je préfère. C'est super atypique et l'architecture est top. La plupart des bâtiments ont été construits avant le 19e siècle. En plus, pour les shopping addicts, vous pourrez vous perdre dans les petites ruelles et trouverez à coup sûr plein de boutiques sympas. Et évidemment, tu ne peux pas passer à côté des mythiques places du théâtre et du général de Gaulle, toutes deux côte à côte, et qui sont vraiment, mais vraiment magnifiques. tu y trouveras le fameux opéra, une immense fontaine et de majestueux bâtiments tout en dorure qui te feront tourner la tête. Et en plus, en ce moment, les décos de Noël sont installés et ça vaut vraiment le détour. Ils ont mis le paquet cette année. Et justement, comme nous le rappelle Marie-Chloé, Noël approche à grands pas. Les bons repas et les beaux cadeaux aussi. Alors, on adore et on adhère les gaufres Mertes. Elles sont juste parfaites pour le goûter ou à offrir pour le dessert lors d'un repas en famille ou entre amis. Et puis si t'as le temps, tu peux aller sur les toits du printemps pour te griller une clope et admirer un beau coucher de soleil. Tu connais forcément les printemps, et à Lille, il se trouve 39 rue Nationale. Il suffit d'entrer dans le magasin, d'essayer de ne pas trop regarder toutes les fringues et les produits de beauté, sinon c'est fichu, tu vas y rester pendant 3 heures, et de rejoindre l'ascenseur ou les escaliers pour atteindre le dernier étage. Tu vas arriver sur un parking, bon j'avoue c'est un peu glauque, tu découvriras en t'approchant une vue imprenable sur les toits de la ville. Ah oui, ça, je confirme. J'y suis allée sur tes bons conseils et j'ai adoré. J'ai juste eu le droit à un magnifique coucher de soleil orangé, comme si souvent nous en offre notre belle ville. Bon, et puis maintenant, il est déjà 18h et après une si belle journée, autant ne pas s'arrêter là. En ce moment, il fait froid, alors quoi de mieux qu'une bonne séance de cinéma? Mais pas trop cher et bien insolite. Imagine-toi, cher auditeur, une salle de cinéma avec de bons vieux canapés bien usés, donc bien confortables, un bar pour prendre des bières à volonté et des petits plaids à utiliser à ta guise. Et oui, cet endroit cosy existe, et c'est l'hybride, qui se trouve entre République Beaux-Arts et le parc Jean-Baptiste Lebas. Mais si t'es plutôt théâtre, alors on te donne rendez-vous avec la compagnie L'Oiseau-Mouche au 28 rue des Nations Unies, à Roubaix. Ce théâtre est unique en son genre, puisque ses comédiens ont tous un handicap mental. Ce sont de vrais professionnels qui ont, pour certains d'entre eux, suivi les cours Florent. La dernière création de la compagnie, Bibi, est signée Sylvain Maurice, d'après Pamphlet contre la mort du poète Charles Penquin. Pour avoir eu la chance d'assister à un petit teaser, je garantis un véritable chef-d'œuvre, à voir de toute urgence du 12 au 16 décembre. En plus, si tu ne le savais pas, cher auditeur, la compagnie possède deux restaurants qu'on pourrait facilement qualifier de gastronomiques, mais dont l'un se trouve à la condition publique, à Roubaix, et s'appelle l'alimentation. Pour la petite anecdote, Emmanuel Macron est venu y manger il y a 2 semaines, et le garage qui se trouve au même endroit que le théâtre. Bon, et puis, s'il se fait très tard en rentrant à ton hôtel, ton studio ou bien ton chez-toi lillois, et que t'as oublié de manger, passe à la chicorée. Un snack ouvert 24h sur 24 sur la Grand Place près du métro Riour, on t'y fera un bon burger à toute heure, alors quoi demander de plus? Allez, dimanche matin, on se lève et on laisse les chaussures running pour une sortie dans le parc de la Citadelle. La vieille forteresse en forme d'étoile date de 1670, l'époque du roi soleil, et est toujours en fonction aujourd'hui pour l'armée française. Tu raconteras d'autres coureurs sur la route car la Citadelle c'est le lieu pour aller courir à Lille. On peut y courir en cercle jusqu'au moment où on aura des vertiges. T'es un peu essoufflé et a besoin de l'eau? Pas de problème, vers le canal, il y a des postes d'eau rafraîchissantes. La première fois que j'ai visité la Citadelle, c'était l'un de mes premiers shows à Lille. Et avec Amanda, l'autre étudiante Erasmus du Danemark, nous nous sommes promenés dans cet endroit couvert par les feuilles dorées d'automne et des rayons soleil bien calmants. On a vu une famille de mère, père et un petit garçon d'environ 2 ans, qui jouait dans les feuilles et avec les marrons tombés des châtaigniers. C'était très idyllique. Jusqu'au moment où nous avons aperçu des bruits particuliers. On se dit, c'est quoi ces bruits? Il y a des enfants qui crient? Non, on dirait des singes. Mais non, c'est pas des singes, pas ici, ça doit être des enfants qui jouent. Mais les bruits ne ressemblaient décidément pas à ceux d'enfants. Pourtant, les singes libres dans un parc, ce n'est pas souvent qu'on voit ça. On a regardé dans les arbres, non, rien, pas de singes. 5 minutes après, on voit des singes dans une autre partie du parc. Et en fait, il y a un saut aussi. On a bien rigolé de cette affaire des singes. Tu cours toujours? N'utilise pas toute ton énergie pour le jogging. Il y a encore des choses à voir à Lille ce dimanche. Après une douche et un petit ravitaillement, c'est parti pour le marché de Wassem. Sur ce marché de dimanche, on peut trouver presque tout dont on a envie. Des grands stands avec des légumes vendus en vrac, des shampoings et produits pour les cheveux, de la pâtisserie, des bijoux, des délices, de l'Orient comme thé à l'amande, olive et boulgour, des jouets, de la charcuterie et des poissons, des habits et des poulets rôtis à amener pour le dîner ou manger sur place. Ou encore un déjeuner asiatique avec des rouleaux printemps frais. Mais tu ne seras pas seul au marché. Soyez prêt à être un peu basculé dans une foule qui fait ses courses et qui se balade dans une ambiance de dimanche où on n'est pas pressé. Après avoir mis une heure à sortir du marché, mangé ton poulet et fait une micro-sieste, je te propose de finir la journée avec une petite expo parce que c'est pas en buvant des bières que tu vas te cultiver. Bon, comme tu t'es ruiné dans les sorties bouffe et picole pendant ce week-end, essaye d'y aller le premier dimanche du mois. L'entrée sera gratuite pour la plupart des lieux que je vais te proposer. Si t'as pas la flemme, tu peux te rendre à Roubaix pour découvrir la piscine. Pas la peine de prévoir ton maillot de bain et ton tuba, il s'agit en fait d'un musée. Même si ça n'empêche pas que tu vas pouvoir mater des meufs à poil, toutes blanches et figées certes, mais quand même. Sans rentrer dans les détails, c'est une ancienne piscine réhabilitée en musée. Là-bas, tu pourras déambuler à travers les fameuses statues et profiter des expos permanentes et temporaires. Si ce dont je viens de te parler ne t'intéresse pas, tu peux toujours rester chez toi. Ou aller au LAM, c'est bien aussi. Là-bas, tu pourrais profiter des œuvres d'art de Picasso et Alexander Calder dans le jardin. Mais comme il fait tout le temps moche, tu devras probablement te contenter de visiter l'intérieur. Tu y trouveras des œuvres d'art moderne, d'art brut et d'art contemporain. Bon, si tu tiens vraiment à rester sur l'île, tu peux passer au Tripostal. Même si le nom du lieu porte aussi à confusion, je ne t'invite pas à aller trier ton courrier, mais bien à découvrir un lieu culturel. Après avoir contemplé les jolis néons colorés qui illuminent le hall d'entrée, tu pourras découvrir l'expo du moment. Peu importe la programmation, je suis sûre qu'elle sera bien perchée. Si tu préfères, tu peux te diriger vers la gare Saint-Saul. Désolée pour cet énième jeu de mots, mais il ne s'agit pas d'un voyage, du moins pas physiquement, mais pourquoi pas spirituellement, car en plus de proposer des apéromix à la programmation très éclectique, Saint-Saul propose aussi des expositions souvent ludiques et interactives. Et puisque tu ne peux pas t'en empêcher, je t'autorise à aller boire ton dernier verre de la semaine à la Luc. Tu pourras t'amuser avec l'un des 450 jeux de société, parce qu'au fond, t'es encore un gamin. Si après tous ces conseils, t'as pas passé un week-end de folie, on peut plus rien pour toi. En tout cas, merci à tous pour ce bel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, alors on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cult My Vibe.